elle est même très sportive. Elle fait beaucoup de sport. Elle fait du karaté, du vélo, du ski, du tennis, du cheval, du patin à glace, du canoë, du deltaplane, de la voile, de la planche à voile, de la natation, de l'escrime, de l'alpinisme, de l'athlétisme, tout quoi. Est-ce qu'elle va être mince ou un peu forte ? Mince, évidemment, puisqu'elle a l'air fragile. Elle est même très sportive. Très sportive, sportive. Très sportive. Elle est très sportive. Elle est même très sportive. Elle fait beaucoup de sport. Elle fait beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Elle fait beaucoup de sport. Est-ce qu'elle fait du sport ? Oui, elle est très sportive. Elle fait beaucoup de sport. Du karaté, du vélo, du ski, du tennis, du cheval, du patin à glace, du canoë, du deltaplane, de la voile, de la planche à voile, de la natation, de l'escrime, de l'alpinisme, de l'athlétisme, tout quoi. Tout, tout quoi. Est-ce qu'elle va être mince ou un peu forte ? Mince ? Ou forte, forte. Mince ou un peu forte? Mince ou un peu forte? Est-ce qu'elle va être mince ou un peu forte? Mince, évidemment. Mince, évidemment. Mince, évidemment, puisqu'elle a l'air fragile, puisqu'elle a l'air fragile, puisqu'elle a l'air fragile. Mince, évidemment, puisqu'elle a l'air fragile. Est-ce qu'elle est mince ou un peu forte ? Elle est mince.